L'opération d'abattage des chiens errants dans plusieurs villes du Maroc a suscité une vive polémique et fait débat sur les réseaux sociaux. Les protestataires, notamment des associations de protection animale et environnementale et des amoureux des canidés, dénonçaient la violence de l'acte et appelaient à une meilleure gestion de la chose. Justement, en vue de garantir une gestion durable de cette problématique ainsi que l'élimination de rage, le ministère de l'Intérieur, qui s'est engagé depuis quelque temps déjà dans une « approche humaine » de traitement de ce phénomène, a pris plusieurs mesures urgentes, à travers le lancement de diverses actions, dont la diffusion de circulaires incitant les communes à éviter l'usage des armes à feu et des substances toxiques pour l'élimination des chiens errants. Ces actions entreprises comprennent notamment la sensibilisation des communes sur l'importance et l'utilité de la méthode TNVR, Trap, Neuter, Vaccinate, Return, qui constitue une solution morale et efficace pour lutter contre l'errance de ces animaux et qui consiste à les capturer, les stériliser, les vacciner contre la rage, les déparasiter et les identifier par des boucles à l'oreille, ensuite les retourner dans le milieu où ils ont été capturés afin de leur éviter une désorientation et garantir la stabilisation de leur nombre avec le temps. Cette méthode a, d'ailleurs, fait l'objet d'une convention de partenariat, signée en 2019, entre le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, l'Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, ONSA, et l'Ordre national des vétérinaires. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur accompagne les collectivités territoriales et a mis en œuvre un programme sexennal, 2019 à 2024, qui vise la création de 76 bureaux communaux d'hygiène, BCH, dans le cadre de groupements de collectivités territoriales, GCT, incluant les fourrières animalières et les centres antirabiques, avec un coût global de 608 MDH. L'accent est également mis sur la poursuite de la mise en œuvre de la convention de partenariat de 2019 en vertu de laquelle la Direction générale des collectivités territoriales, DGCT, procède au versement d'un montant annuel de 40 MDH au profit de l'Institut Pasteur du Maroc, IPM, pour l'acquisition des produits de vaccination antirabique, vaccins et sérums. Ces produits sont mis à la disposition du département de la santé pour une meilleure prise en charge vaccinale des personnes exposées à la rage, notamment au niveau des zones rurales. Pareillement, et dans le cadre de ces efforts, le ministère contribue aussi aux campagnes annuelles de vaccination des chiens à propriétaires.